la fontaine, au bajoko. Mira mereke somba champagne la ta perique. Oh la fontaine, sukaya plaisir. Lokumu yamoka bana verete viva l'Afrique.